Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons commencer par un retour dans le temps. On se projette au printemps 2011 alors que la rivière Richelieu sortait de son lit. On se souvient des inondations dramatiques que cette crue avait causées. Est-ce qu'il en aurait été autrement ? Est-ce qu'il aurait été possible de prédire la crue de la rivière et de limiter les dégâts ? À l'INRS, des chercheurs étudient la question. C'est le cas notamment de Christian Saad qui est étudiant à l'INRS et qui est avec nous au studio. Bonjour Christian. Bonjour. Alors avant de parler en fait de prédiction des crues, j'aimerais que tu nous dresses un portrait de nos lacs et des rivières au Québec et de l'usage qu'on fait de toute cette eau sur le territoire. Eh bien, au Québec, on a environ 500 000 lacs et 4 500 rivières. Ça couvre 12 % du territoire de la province. C'est une quantité énorme d'eau. Mm-hmm. Plusieurs des rivières sont dans leur état sauvage. Ils assurent le bien-être de la planète en préservant un lieu naturel de vie et de prolifération pour la faune et la flore. Ils assurent également une biodiversité locale importante. Un bon nombre de rivières sont également utilisées à nos fins pour l'hydroélectricité, pour mm-hmm. les industries, l'agriculture. C'est vrai. Donc la liste continue. On utilise l'eau pour bien des raisons. Pour faire du canoë, kayak aussi, ben tout oui, simplement. toutes les activités récréatives. Donc, c'est important de garder un suivi de la qualité et de la quantité d'eau dans nos rivières mm-hmm. pour éviter, pour s'assurer de le bon fonctionnement de tous ces systèmes. En plus, durant les périodes propices aux montées des niveaux d'eau, comme ce qu'on appelle les crues des rivières, c'est important également de garder un œil sur nos niveaux d'eau pour éviter des crues extrêmes qui peuvent engendrer des inondations. Mm-hmm. Par exemple, au Québec, dans ma recherche sur la rivière Richelieu, j'observe qu'il y a des crues extrêmes importantes en printemps lors de la fonte des neiges, de la neige. Puis, il y a également des crues importantes en automne lorsqu'il y a plusieurs jours humides ouais. Et de pluie intense. Et il peut aussi avoir des refoulements d'eau en hiver dû à un redout de la température et des amas de glace qui peuvent obstruer le mouvement naturel de l'eau. Alors, justement, tu dis que c'est important de faire un suivi de cette eau qui coule dans les rivières. Qu'est-ce qu'on fait au Québec pour suivre le niveau d'eau des rivières? Il y a plusieurs institutions publiques et privées qui font le suivi et gèrent les niveaux d'eau de nos rivières. Par exemple, le Centre d'expertise hydrique du Québec fait mm-hmm. partie du ministère de développement durable, de l'environnement, des parcs et de la faune. Gère avec Environnement Canada un grand réseau de 280 stations hydrométriques, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, suivi continu. Voilà, un suivi continu. Ces stations hydrométriques sont installées dans nos rivières. Ils sont équipés d'instruments qui mesurent le débit et le niveau d'eau en temps réel. Puis c'est avec ces mesures hydrométriques, le cumul de neige qui est tombé dans l'hiver précédent, les données météorologiques du printemps et les prévisions météo à court terme qu'on peut prédire les changements des niveaux d'eau de nos rivières. Mm-hmm. L'assimilation ou le collage de toute cette information-là se fait à l'aide de modèles hydrologiques qui vont nous permettre de calculer les niveaux d'eau ouais. à différents moments et endroits ouais. sur la rivière. Donc là, tu as dit quelque chose, un mot un peu compliqué, la modèle hydrologique, qu'est-ce que c'est? Un modèle hydrologique, c'est une représentation simplifiée de tous les processus physiques qui contrôlent le mouvement de l'eau. Par exemple, ce processus physique, c'est comme l'évaporation de l'eau mm-hmm. vers l'atmosphère, l'écoulement de l'eau de surface dû à l'imperméabilité des sols, la fonte de la neige. Donc, tous ces processus-là, on va essayer de les représenter avec un modèle hydrologique. Et on met ça en équation, finalement? Ouais, ouais. Voilà. On veut justement modéliser, on veut créer un programme informatique qui va pouvoir calculer le niveau d'eau à différents endroits et à différents moments pour notre rivière. Mm-hmm. Le Centre d'expertise hydrique et l'INRS ont développé plusieurs modèles de ce genre-là pour faire le suivi des niveaux d'eau et prédire les niveaux d'eau à différents moments, mais également aussi pour mieux comprendre nos rivières. Dans le cas d'un modèle hydrologique statistique, ouais. on part du fait qu'on connaît pas toutes les relations qui existent entre les différentes variables hydrologiques. Donc, entre ce que tu disais tout à l'heure, le fait que, par exemple, s'il y a de la fonte des neiges ou qu'un sol soit imperméable, donc toutes ces variables-là, on ne connaît pas, dans un modèle statistique, on ne connaît pas vraiment comment jouent toutes ces variables-là. Ben, c'est ça. On va essayer de avec la partie statistique qui est aléatoire, on va essayer de modéliser les processus. Et on va utiliser des échantillons limités de données. Donc, on va utiliser un peu de données, le plus de données de mesures hydrométriques et hydrologiques qu'on peut pour pouvoir prédire les fluctuations des niveaux d'eau et aussi calculer la probabilité qu'une crue extrême a lieu. OK. Donc, comment on fait ça, en fait, concrètement? Ben, il faut savoir que l'hydrologie statistique permet en premier lieu de décrire des variables hydrologiques comme la précipitation et le niveau d'eau à l'aide de chiffres et de graphiques. Les caractéristiques qu'on cherche à définir sont celles de tendance, comme la précipitation moyenne mensuelle. Il y a aussi des caractéristiques de dispersion, comme la valeur minimale et maximale de niveau d'eau de la rivière en printemps. Donc, on va essayer de calculer ces caractéristiques-là. Donc, un peu la même chose que ce qu'on entend pour la température. Là, on a une température moyenne, mais les maximums et les minimums sont ça, sont telles valeurs. Donc là, c'est la même chose avec le niveau d'eau. Ouais. Donc, le niveau d'eau est telle valeur moyenne, mais il y a un maximum et un minimum. Donc, exactement, c'est ça. On veut essayer de comprendre. Puis avec le peu de mesures qu'on a, on va essayer de caractériser toutes ces variables, tous les processus, justement. Avec aussi l'hydrologie statistique, il y a moyen d'analyser une crue extrême en considérant plusieurs variables en même temps. Ouais. Donc ça on appelle statistique multivariée. Par exemple, si on considère 30 ans d'observation de précipitation, de température et de niveau d'eau quotidien, on peut décrire, classifier et comparer différents scénarios de crue. Puis en faisant ça, on a une meilleure compréhension de comment chaque variable va faire changer le niveau d'eau. Et on peut associer des poids à chacune de ces variables-là, donc des poids qui sont relatifs à leur impact sur le niveau d'eau. Par exemple? Si l'intensité de la pluie en printemps a un effet très important sur l'augmentation des niveaux d'eau, on va associer un poids plus grand à cette variable-là, comparativement à la température qui peut jouer un rôle relativement moindre s'il n'y a pas de neige à faire fondre, par exemple. Donc, en quantifiant toutes ces relations-là, on va créer un modèle statistique. Et il suffit ensuite d'insérer des prévisions météorologiques de précipitations, de température dans notre modèle pour prédire les fluctuations des niveaux d'eau dans les jours à venir. Donc, ça devient rapidement un outil très intéressant. Assez complexe aussi, j'ai l'impression. Donc, tu nous expliques comment on peut suivre plusieurs variables pour créer un modèle statistique et prédire un épisode de crue. Mais est-ce que les statistiques peuvent aussi nous dire à quelle fréquence peut se produire un événement de crue extrême, par exemple? Oui, il y a une technique qui s'appelle l'analyse fréquentielle qui permet justement de faire ça. Ça va nous donner une idée de la fréquence, justement, par exemple, à laquelle une crue de 1 mètre aura lieu. Est-ce que c'est à chaque an, à chaque 5 ans, à chaque 10 ans, et ainsi de suite? Donc, c'est possible de faire ça avec des modèles probabilistes qu'on appelle. Et ce qu'on va faire, le modèle probabiliste, en fait, c'est juste une fonction mathématique et on va ajuster nos échantillons de données. On va ajuster notre fonction mathématique avec des mesures hydrométriques et météorologiques. Et c'est avec ce modèle probabiliste qu'on peut justement déduire ou prédire, calculer la probabilité d'occurrence de différentes crues extrêmes. Et si on revenait très rapidement, là, parce qu'il reste une minute, donc au cas de la rivière Richelieu, donc je pense que tu as fait une partie de tes études là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il y a eu plusieurs facteurs qui ont joué en même temps un rôle très important. C'était une combinaison de facteurs, comme un cumul de neige record en hiver. Il y a eu des précipitations intenses et de plusieurs jours en printemps et des vents relativement forts et constants provenant du sud qui ont poussé l'eau du lac Champlain vers la rivière Richelieu. Donc, tous ces facteurs-là, ils sont venus jouer un rôle et donc, c'est important de les prendre en considération lorsqu'on modélise les niveaux d'eau de nos rivières. Oui, puis peut-être il y a une certaine probabilité que tous ces événements-là arrivent en même temps aussi qui est à prendre en compte. Oui, c'est ça, exactement. L'hydrologie statistique permet aussi de faire ça, de combiner toutes ces variables-là. Mm-hmm. Ben, je comprends que tu dois manier énormément de chiffres, de données chiffrées, et que donc tu dois être assez à l'aise aussi avec les calculs. Merci Christian d'être venu nous expliquer comment passer de tous ces chiffres à la prédiction des crues. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était peut-être qu'un jour on arrivera à éviter les futures, les crues qui pourraient se reproduire éventuellement sur les rivières grâce aux travaux de Christian et de ses collègues. Donc vous écoutez Futur Simple sur CKRL, on fait une petite pause musicale méritée pour se reposer un peu les neurones. Et au retour, on vous parle de la gourmandise.